La 10e édition du Festival des biens extrêmes débute ce week-end avec une programmation complètement disjonctée. Ça débute jeudi avec un tournoi de poker, suivi d'un vendredi 100% rock, samedi, championnat du monde de pédalo ou jeux gonflables, hommage aux Beatles, et dimanche, championnat régional de motocross et après-midi country sous le chapiteau, suivi de la tourtière extrême, chaise musicale, feu d'artifice et Geno Music. Cet été, bien disjoncté à des biens, ville de l'extrême. Le restaurant Midas de Saint-Félicien vous annonce que son comptoir laitier est maintenant ouvert. Et pour le mois de juin, on vous offre en spécial la coupe glacée à 3$ plus taxes seulement. Profitez-en pour venir essayer le Bubble Tea servi en 8 saveurs décaféinées auxquelles vous pouvez même ajouter des bulles de fusion. Venez profiter de ce rabais du mois de juin, la coupe glacée à 3$ plus taxes seulement au restaurant Midas, 1084 route 169 Saint-Félicien, 679-0900. Toute l'équipe du restaurant Midas invite la population à participer aux activités des régates de Saint-Félicien. Pour vos fringales de juin, pensez Restaurant Midas Saint-Félicien. La chronique du directeur général du club de golf de Saint-Prime, Junior Juno, est une présentation du garage Paul Dumas Buick GMC de Saint-Félicien, qui vous invite à faire un trou d'un coup avec sa vaste gamme de camions neufs et usagés, ainsi que des voitures d'occasion pour tous les budgets. Le garage Paul Dumas Buick GMC de Saint-Félicien au 762 Boulevard Sacré-Cœur au 418-679-1605. Tout le personnel et la direction du garage Paul Dumas désirent souhaiter une bonne saison à tous les golfeurs et golfeuses. On va parler avec le très sympathique et dynamique Junior Juno. C'est la chronique du club de golf domaine sur l'action. Non, salut Junior! Salut Danny! Junior, 125 joueurs étaient présents pour le tournoi d'ouverture malgré un temps très maussade. Une très belle participation. Par contre, nous autres, je dois te dire que la température était quand même bien. Là. On n'a pas eu de pluie de la journée. Il faisait pas chaud, par contre, mais c'était quand même... on était confortable. Il y avait un petit soleil de temps en temps. Ventait, mais dans l'ensemble, compte tenu, si on regarde la veille, on s'attendait à la température, comme tu dis, qui allait être maussade, mais finalement, on s'en est très bien tiré quand je regarde un peu partout dans la région et ailleurs, là, où c'était pas vraiment très beau comme température, ben on peut se compter chanceux. OK. Dis-moi, c'est sûr que 125 joueurs, t'avais une belle période d'inscription, puis ça a super bien été dès le départ, là. Tu sais, je veux dire, quand t'as mis une vidéo en ligne, ça a aidé pas mal, là. Je sais pas si c'est ça qui a aidé, mais une chose est sûre, c'est qu'à la fin, quand on regarde le résultat, on peut être très satisfait, là. Depuis quelques années, là, le tournoi, on dit bataille de l'aile, mais cette année, je pense que tout le monde était content. Les gens qui ont joué ont apprécié leur journée du début jusqu'à la fin. C'était une belle organisation, du beau travail orchestré par la capitainerie et son capitaine, M. Jean Lamotte. OK. Donc, cette semaine maintenant, qu'est-ce qu'il faut surveiller au club de golf domaine sur le lac Saint-Jean? Cette semaine, on a, dès aujourd'hui d'ailleurs, en ce lundi, on a... le tournoi de la FADOC. Donc, une première édition, c'est la troisième édition du tournoi de la FADOC Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais c'est la première année que le tournoi va se dérouler sur les allées de notre club de golf. Alors, on attend tout près de 70 joueurs pour ce tournoi-là, qui s'apparaît en classe, là, c'est des catégories d'âge, c'est réservé uniquement... évidemment aux détenteurs de la carte de la FADOC, donc des retraités. Encore une fois, là, on est heureux de la participation, puisque dans les dernières premières années, on comprend que ça commençait, là. Et il y avait une vingtaine de participants. Et cette année, bon, nous autres, on devrait atteindre la 70. Et les gagnants de chacune des classes vont se mériter la chance d'aller jouer au championnat provincial de la FADOC qui a lieu là, quelque part dans l'été, là, j'ai pas la date exacte, là, mais qui se tient là, quelque part au Québec aussi là, cet été. OK. Ça, c'est pour la première activité. Suivra dès la fin de semaine qui s'en vient. Okay. Traditionnel Tolbeau-Saint-Prime, le traditionnel Tolbeau-Saint-Prime qu'on connaît très bien historiquement, là, qui doit sûrement avoir au-dessus de 30 ans, là, un tournoi que plusieurs connaissent. Alors, ça débute samedi à Dolbeau et dimanche, ça va se terminer sur au club de golf Domaine Lac-Saint-Jean, donc sur nos allées, pour la grande finale. OK. Aussi, y a-t-il un exploit qu'il faut mentionner au cours de la fin de semaine? Y a-t-il un trou d'un coup? Y a-t-il un gars qui avait performé des tournois régionaux? Qu'est-ce qui s'est passé de ce côté? Ce que je peux te dire, c'est que je l'avais oublié la semaine dernière, ben, j'avais pas l'information, mais il y a Jean Lamotte qui, pas cette semaine, pas vendredi, pas dimanche hier, mais la semaine d'avant, qui avait remporté le Field Day régional. Si je me trompe pas, qui était à Arvida, au club de golf Saguenay. Okay. Et Jean Lamotte l'a remporté dans la classe 2A, donc une belle performance de Jean. À ce niveau-là, on était bien fiers de Jean. Bon, ben c'est bien ça. Donc, on s'en reparle bientôt? Oui, on s'en reparle la semaine prochaine, mon cher. La chronique du club de golf Domaine Lac-Saint-Jean, présentation du garage Paul Dumas, GMC de Saint-Philippe.